Le maréchal Kim Jong-un a fait fêter le centenaire de Madame Lee Hwak-sil, habitant la subdivision communale numéro 19 de la commune de Songso de la ville de Sinichung, province du Pyongan du Nord.